retrouve tout de suite Patrick Pénaud et ses rendez-vous avec X. La courte histoire de la 4e République, nous le savons, et M. X nous en a donné maintes preuves, fourmille d'épisodes extravagants. Intrigues, complots, scandales de tout genre, en fait, c'était l'accouchement de la 5e qui se préparait dans l'ombre. Pour ceux qui travaillaient à cette naissance tumultueuse, la 4e République ne devait être tout juste qu'une parenthèse entre le départ du général de Gaulle et son retour. Et pourtant, malgré l'instabilité gouvernementale chronique, malgré les drames successifs de la décolonisation, cette 4e République si mal aimée a jeté les bases de la modernisation de notre pays et de sa prospérité économique. Dans ces années-là, je vous le rappelle, mon interlocuteur a occupé des fonctions au sein du cabinet d'un ministre de l'Intérieur. Et cela explique sans doute qu'il soit si bien informé sur les dessous de l'histoire, des tranches dessous où, vous allez le constater, on croise la politique, le gangstérisme et bien entendu les services secrets. Mais parlons d'abord d'un personnage peu ordinaire, Jacques Lemaigre Dubreuil. Un homme qui a vécu plusieurs vies et dont la personnalité demeure encore aujourd'hui mystérieuse. Pas moins que les circonstances de son assassinat en juin 1955. Né en 1894, mobilisé pendant la Grande Guerre, il combat avec courage. À la fin du conflit, il est capitaine. Un retour à la vie civile lui paraît bien fade. Lemaigre Dubreuil obtient de partir en Syrie avec le corps expéditionnaire français. Il se bat contre les Druzes et les troupes du roi Faisal. Mais l'Orient perd vite de son mystère. L'aventurier renonce au désert et rentre à Paris. Il commence une carrière dans la finance. En 1926, il épouse la fille de Georges Le Sieur, le patron des huiles du même nom, et collabore aussitôt avec son beau-père. Lemaigre Dubreuil se lance à corps perdu dans cette nouvelle aventure. C'est lui qui fera de cette entreprise la puissante société internationale que nous connaissons. Mais l'existence de chef d'entreprise ne suffit pas à cet homme remuant. La politique le chatouille. Naturellement de droite, et peut-être même d'extrême droite, Lemaigre Dubreuil prend la tête de la Ligue des Contribuables, une organisation politique qui préfigure le poujadisme. Dans le même temps, cet industriel complote avec d'autres entrepreneurs dans les rangs du Comité secret d'action révolutionnaire, autrement dit la cagoule. Quand la guerre arrive, Lemaigre Dubreuil reprend du service. Fait prisonnier, il s'évade et rejoint Alger. Alger, où il va jouer un rôle essentiel. Mais nous allons en parler avec M. X. En attendant, je voudrais vous lire ce portrait de Lemaigre Dubreuil, portrait dressé par un ambassadeur de France, Albert Camerer. C'était un personnage très intelligent, énigmatique, extrêmement riche, autant que courageux et habile, essentiellement de droite, avec le goût de l'intrigue et du mystère, un comploteur né. Père Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Je réponds tout de suite à la question qui vous brûle les lèvres. Oui, j'ai connu Lemaigre Dubreuil. Ou à Alger ? Naturellement. Enfin, il faut que vous sachiez que Lemaigre Dubreuil a fait partie du fameux groupe des cinq. Ah oui, ça, ce sont les hommes qui ont préparé dans le secret le débarquement Ali en Afrique du Nord. Exactement. Enfin, une aventure assez étonnante dont nous reparlerons un jour, enfin, si vous le voulez bien. Ah ben, je retiens votre suggestion. Hein. Bon, allons un petit peu plus vite. Lemaigre Dubreuil ne joue pas la carte de Londres. Quoi, il est anti-gaulliste, oui. C'est ça ouais. Oui, lui, il a choisi le camp américain et donc celui du général Giraud. Giraud que les Américains préféraient à De Gaulle. Oui, d'ailleurs, Lemaigre Dubreuil a joué un rôle dans l'organisation de l'évasion de Giraud, qui était prisonnier en Allemagne. Il va même appartenir à son cabinet, ce qui lui vaudra, vous l'imaginez bien, l'inimitié de l'autre général. Ah, De Gaulle, donc. Bien sûr. Ça lui coûtera d'ailleurs assez cher, la libération. Mais pourquoi ? On l'accusera alors de collaboration économique avec les Allemands. Et il y a quelque chose de vrai là-dessous ? Bah, écoutez, alors là, franchement, je n'en sais rien. Lemaigre Dubreuil, comme tous les industriels français, a certainement dû avoir des contacts avec l'occupant. Oui. Parler de collaboration, non. Et le mec Dubreuil, après un bref emprisonnement, bénéficie d'un non-lieu qui le lave de tout soupçon. Ouais, donc on avait peut-être aussi après l'ancien Cagoulard. Hein. Ça, c'est certain. Le mec Dubreuil n'était pas un personnage qui laissait indifférent, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il attirait aussi bien la sympathie que la haine. Exactement. Enfin, je poursuis cette brève biographie. Après la guerre, il s'intéresse beaucoup à l'Afrique du Nord et surtout au Maroc. Pour quelle raison, le Maroc ? Fondamentalement, je crois que le maigre Dubreuil n'a jamais renoncé à la politique. Et il a vu dans l'affaire marocaine un moyen de satisfaire cette ambition. Vous connaissez les grandes lignes de ce dossier, j'imagine ? Ou enfin, à peu près, là. Rafraîchissez-moi la mémoire. Le Maroc était un protectorat français. Oui, son statut était donc différent de l'Algérie, hein, qui faisait partie de l'entité française. Oui, et qui était composé de départements. Ouais. Au Maroc, comme ailleurs, existait une vive aspiration à l'indépendance. Un sentiment nationaliste qui s'incarnait plus ou moins la personne du sultan Sidi Mohamed. Oui, le futur Mohamed V, hein, et puis le père de la Sainte II. Oui, mais cette revendication indépendante déplaisait. Ouais, aux Français, bien sûr. Et surtout au lobby qui s'agitait autour de notre résident au Maroc, qui était en fait le vrai dirigeant du pays. Alors, comme le sultan gênait, on l'a expulsé en 1953 et on l'a remplacé par l'un de ses cousins. Et je crois qu'il a été exilé en Corse, c'est ça, hein ? Puis à Madagascar. Mais c'était une grave erreur. Non seulement parce que cette opération a été réalisée sans même l'accord du gouvernement français de l'époque, mais surtout parce que cette expulsion va exacerber le nationalisme de la population marocaine. Il ne faut pas oublier que Mohamed n'était pas simplement un chef politique, mais un chef religieux. Et un descendant du prophète. Oui, le commandeur des croyants, mais passons. Nos colonialistes n'ont jamais brillé par leur finesse. Alors ce qui devait arriver, arriva. La résistance marocaine a pris corps, et avec elle, le cycle infernal des attentats. Et... Le maigre Dubreuil dans tout ça, là. C'est très curieux. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Eh bien, voilà un homme que les opinions, que la tradition politique devraient conduire à être très proche des ultras de la colonisation. Eh bien non, au contraire, il va se ranger du côté des libéraux, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire les libéraux, c'est-à-dire des gens favorables à l'indépendance. Oui, oui. Et vous avez une explication, là, sur... Pas vraiment, non. Le mec Dubreuil a-t-il mieux compris la situation des pays colonisés à partir de son long séjour en Algérie ? Ou plus lucide que d'autres a-t-il deviné que tôt ou tard il en serait fini de la colonisation ? Je ne sais pas. En tout cas, la réalité est là. Le mec Dubreuil s'engage avec fermeté du côté des partisans de l'indépendance du Maroc. Mais concrètement, que fait-il ? Il achète un journal, Maroc Presse. Un quotidien dont il va faire l'outil de sa politique. C'est un véritable engagement, donc. Oui. Hein. Et le mec Dubreuil va payer de sa personne en participant à l'action d'une organisation, Conscience Française, qui regroupe les libéraux et aussi en publiant à de nombreuses reprises des tribunes dans les journaux de la métropole. Mmh. Autant d'actions, j'imagine qu'il doit en faire un ennemi irréductible de la présence française au Maroc. Bien entendu. Et quand vous parlez de présence française, vous mettez dans le mille. Parce qu'il existe justement un mouvement qui porte ce nom et qui est composé, comme vous le pensez, de farouches partisans du colonialisme français au Maroc. Et qui inspirait directement ce que l'on appelait le contre-terrorisme. C'est-à-dire un terrorisme dirigé contre les indépendants. Bien évidemment. Et aussi contre ceux qui les soutiennent. Le mec Dubreuil va bientôt presque naturellement se trouver dans la ligne de mire de ces types-là. Je voudrais nuancer les déclarations de M. X. Libéral, certes, le maigre Dubreuil n'était peut-être pas un partisan aussi farouche de l'indépendance que le laisse croire mon interlocuteur. Sans doute voulait-il d'abord que le Maroc obtienne son autonomie, mais sans rompre formellement avec la France. C'est le sens d'une tribune libre qu'il a publiée en juin 1954 dans le journal Le Monde. J'en extrais ces lignes. Toutes les volontés du Maroc ont demain intérêt à conjuguer leurs efforts pour modifier une situation très compromise. Pour réparer ses erreurs antérieures, il appartient à la France d'affirmer tout d'abord rapidement ses intentions, ses buts concernant le Maroc, et, sans s'apesantir sur un passé regrettable, d'associer pour le rétablissement de l'ordre tous les Marocains, tous les Français, tous les Israélites de bonne volonté. Mais quand vous dites qu'il va être dans la ligne de mire de ces ultras... Ça dit bien ce que ça veut dire. Mais on va y venir. Il me faut d'abord évoquer une étrange affaire. Les contre-terroristes, je vous l'ai dit, sont passés à l'action. Et comme leurs futurs émules de l'OAS, ils commettent des assassinats. Et des assassinats de personnalités favorables à l'indépendance du Maroc ? Oui, mais il y a aussi des ratonnades, des assassinats aveugles. On tue parce que le type a un faciès d'arabe, c'est tout. On verra ça plus tard en Algérie. Hein. Vous avez raison. Or, à la fin de 1954, un inspecteur de police, forestier, se présente dans les locaux de Maroc Presse. Maroc Presse, c'est le journal de Le Maigre Dubreuil. Oui, et il y apporte un document explosif, une liste de tueurs. De tueurs, de contre-terroristes, vous voulez dire ? Exactement. Ouais. Et qui sont-ils, alors, ces tueurs ? Il y a des commerçants, quelques truands, mais surtout des policiers, beaucoup de policiers. Donc des collègues de ce forestier. Oui. Ah, ouais. Et comment Forestier a-t-il eu connaissance de ces noms? Il affirme qu'il a infiltré ces groupes de tueurs, ce qui veut dire qu'il a participé avec eux à des assassinats. D'accord, mais pourquoi vient-il proposer ces informations à un journal et non pas aux autorités? Parce qu'il pense que seul le journal de Lemaigre Dubreuil pourra faire éclater la vérité. Et donc il pense que le pouvoir colonial est gangréné, sinon complice. Ce qui me paraît évident. Et Lemaigre Dubreuil fait paraître cette liste dans son journal? Oui. Que se passe-t-il? Rien. Ah bon? Personne n'a été inquiété, arrêté? Non, mais quelques semaines après cette publication, Forestier meurt. Assassiné? Vraisemblablement, oui. Et de quelle façon? L'inspecteur circule sur une route en lacet et soudain sa voiture bascule dans le ravin. L'enquête conclura à une rupture de direction. Une direction qu'on a peut-être préalablement sciée, non? Naturellement, mais les enquêteurs ne seront pas autrement curieux. La thèse de l'accident leur convient très bien. Ouais, bon débarras, quoi. Pensez bien que cet inspecteur qui avait dénoncé d'autres flics n'était pas en odeur de sainteté chez les siens. Mais Lemaigre Dubreuil, lui, n'est pas disposé à se taire. Et il dispose d'un journal pour ça, d'un journal et de nombreuses relations. Que fait-il exactement? Il va à Paris, il remue du monde, il va même voir le président du conseil. À l'époque, au fait, qui est-ce là? On est dans les premiers mois de l'année 1955. Mendès France vient de quitter le pouvoir. Alors c'est donc Edgar Faure? Oui. Et est-ce que Lemaigre Dubreuil est écouté par Edgar Faure? Incontestablement, mais Rabat est loin de Paris. Et là-bas, ceux qui détiennent vraiment le pouvoir n'en font qu'à leur tête. D'autant qu'en métropole, ils sont secrètement soutenus. Une parenthèse ici. Edgar Faure a publié ses mémoires aux éditions Plomb. Je relève ceci. C'est à propos du contre-terrorisme et de la part que prenaient dans son organisation certains éléments de la police que j'avais été conduit à une intervention personnelle dès le mois de mars à l'occasion d'un tragique fait divers. Un inspecteur de police du nom de Forestier, se prétendant indigné par les agissements de ses collègues et plus encore par l'état de complicité auquel il se voyait contraint, s'était décidé à manger le morceau auprès du journal libéral Maroc Presse, dirigé par le commandant Sartou. Abandonnons un instant le récit d'Edgar Faure, Sartou était en effet le directeur de Maroc Presse, mais c'est Lemaigre Dubreuil qui en était l'actionnaire majoritaire. Je reprends la lecture des mémoires d'Edgar Faure. Forestier fut assassiné et son meurtre camouflé en accident de la route. Je pris la décision d'envoyer sur place Roger Vibault, directeur de la surveillance du territoire, qui était un spécialiste des affaires de police. Bien qu'il se classât politiquement dans le camp des ultras, ce que j'ignorais alors, il fit et utilement son enquête. Qui donc soutient en métropole ces contre-terroristes? Ce n'est pas bien difficile à deviner. Il y a d'abord, comme d'habitude, les nationalistes de tout craint. Ouais, les nostalgiques de l'Empire colonial. Oui, et puis il y a aussi tous ceux qui veulent profiter du désordre pour saboter les institutions. Et puis pour se débarrasser aussi de la 4ème République. Bien sûr, tous ces gens disparates qu'on verra ensuite à l'œuvre en mai 58. Mais il y a encore plus grave. Je vous ai déjà parlé d'une mystérieuse organisation intitulée La Main Rouge. Oui, tout à fait. Vous-même m'avez dit que c'était un faux-né de nos services. Exactement. La Main Rouge faisait le sale boulot que les services ne pouvaient pas assumer. C'est-à-dire les meurtres, les attentats... Je vous avais dit que cette organisation avait été particulièrement efficace et meurtrière pendant la guerre d'Algérie. Surtout contre les marchands d'armes qui approvisionnaient le FLN algérien. Et les ordres venaient directement de l'hôtel Matignon. Oui, je me souviens très bien. Eh bien, dès les années 54-55, la Main Rouge existait déjà. Et les services secrets, c'est-à-dire le SDEC, jouaient déjà un rôle. Oui, et non. Ça veut dire quoi, ça? Des hommes du SDEC qui participaient, c'est certain. Mais la direction de la centrale ne voulait pas savoir. Mais elle couvrait quand même. Oui, et dans le personnel politique, certains savaient et approuvaient. Bon, tout était permis, si je comprends bien. Quand l'instabilité gouvernementale est chronique, ces désordres sont presque inévitables. Surtout quand derrière, il y a des arrière-pensées politiques. Alors, dans ces conditions, la vie d'un petit inspecteur de police ne pèse pas lourd. D'autant que ce type lui-même n'était peut-être pas aussi net qu'il y paraissait. Ah, que voulez-vous dire, là? Vibault. Le célèbre Vibault. Ah oui, le patron de la DST. Hein. Lui-même, oui. Vibault, donc, est allé enquêter sur place après la mort de Forestier. Et il en a conclu que cet inspecteur de police, très impliqué dans les affaires de contre-terrorisme, avait organisé lui-même des attentats pour mieux les dénoncer ensuite. Et c'est vrai, ça? Non, c'est rien. Ah bon? C'est Vibault qui l'affirme. Vibro qui, entre parenthèses, ne s'est guère intéressé aux circonstances dans lesquelles le forestier avait trouvé la mort. Pourquoi il n'a pas été curieux? Il n'y a que des choses tortueuses qui le passionnaient vraiment, et découvrir que Forestier était peut-être un agent provocateur au sein même de la police, ça l'excitait au plus haut point. Donc finalement, au sujet de la mort de ce Forestier, on ne savait pas grand-chose. Non, et puis au fond, ça n'a guère d'importance. Ce qui compte, c'est que ce type a mis la main dans un engrenage beaucoup trop dangereux. Ouais, la main rouge, quoi. Bien sûr. Il a dû découvrir que derrière certains de ces assassinats attribués aux petits blancs racistes, il y avait les hommes de la main rouge. À partir de là, il était condamné. Oui, alors maintenant, revenons à le maigre Dubreuil. Je vous l'ai dit, tôt ou tard, à cause de ses convictions libérales, il était lui aussi condamné. Et est-ce qu'il le savait? Oui, certains de ses amis avaient déjà été visés. Klostermann, par exemple. Klostermann, l'aviateur? Oui, le héros de la Deuxième Guerre mondiale. Il était alors député et vivait au Maroc. Et lui aussi était un libéral, et il n'avait cessé de protester contre l'exil forcé du sultan. Alors une nuit, sa maison a été à moitié détruite par une bombe. Heureusement, son chien avait donné l'alerte et le poseur de bombes n'avait pu placer l'engin à l'intérieur de la maison. Ouais, donc il s'en est sorti. Ouais. Lui, son épouse, oui. Et le maigre Dubreuil, se sentant menacé, devait quand même prendre des précautions. Bien sûr, il était escorté en permanence par des policiers. Remarquez, après ce que vous m'avez dit, des policiers français au Maroc... N'exagérons pas, tous n'étaient pas des contre-terroristes, même si beaucoup sympathisaient ouvertement avec les partisans de la présence française au Maroc. Donc... Le maigre Dubreuil était bien protégé. Oui, mais quand on veut abattre un homme, on finit toujours par y arriver. Alors comment ça s'est passé exactement? Il faut d'abord que je vous dise qu'on a fait appel à des truands. Qui? Une vieille connaissance, Joe Renucci. C'est le trafiquant que vous avez évoqué là dans l'affaire des Bondaras. Oui, vous voyez, le monde est tout petit. Il se trouvait qu'à l'époque, Renucci coulait des jours paisibles au Maroc. Il a donc été chargé de tuer le maigre Dubreuil. On lui a demandé, oui. Qui ont? Les chefs de la main rouge. Mais Renucci assez sagement a refusé. Alors on a pensé à un autre fameux truand, Joatia. Un homme qui, à l'occasion, donnait des petits coups de main aux SDEC. Avec des succès divers d'ailleurs, mais enfin passons. Atia s'est également récusé. Alors les types de la main rouge ont dû faire avec leurs propres moyens. Vous voulez dire leurs propres hommes? Exactement. Et parmi eux, il y avait incontestablement des professionnels. Autant vous dire que Jacques le maigre Dubreuil n'avait guère de chance de leur échapper. Dans le livre déjà cité du président du conseil de l'époque, Edgar Faure, j'ai trouvé aussi une relation de la rencontre entre ce dernier et le maigre Dubreuil. Je reçus Jacques le maigre Dubreuil dans la matinée du vendredi 10 juin. Il me parut très nerveux. Son visage était sombre. Il donnait l'impression d'une sorte de fureur contenue, d'un fatalisme désespéré. Je me suis demandé par la suite si j'avais été victime d'une faiblesse de la faculté d'attention, mais ce n'était nullement le cas. Si je n'ai pas gardé, contrairement à mon habitude, un souvenir plus précis de cet entretien, c'est tout simplement parce qu'en fait, le maigre Dubreuil n'avait ce jour-là rien de précis, de substantiel, d'original à me dire. Son seul objectif était de souligner à mon attention que la situation du Maroc était très mauvaise, qu'elle se détériorait de jour en jour et qu'il fallait agir au plus vite, mais il ne disait pas comment. Il n'avait rien de positif à suggérer. Je pense aujourd'hui qu'il avait été motivé dans sa démarche par un pressentiment confus de sa fin prochaine. Je suivais, sans parvenir à me concentrer, une série de propos apocalyptiques et imprécis. Quand il prit congé, je parvins enfin à lui dire avec conviction et gravité « Je vous demande de venir me voir à votre retour ». Il m'a paru comme apaisé, répondit à peu près « Certainement, certainement, je vous remercie, je n'y manquerai pas. » On a compris que je ne devais pas le revoir. Son destin lui avait fourni une recette incomparable pour accomplir sa vocation de persuadeur, une recette qui ne peut être utilisée qu'une seule fois. Bon, venons-en aux circonstances mêmes de l'assassinat de le maigre Dubreuil. Le 11 juin 1955, en fin de matinée, l'industriel atterrit à Casablanca. Et où se trouvait-il hein? En France. Il avait rencontré le président du conseil la veille. Et il avait une nouvelle fois plaidé pour sa cause. Bien sûr. Ouais. Donc il arrive à Casablanca. Ce qui est étonnant, c'est que personne ou presque ne l'attend. Seuls ses intimes sont au courant. Si je comprends bien, là, ces anges gardiens de la police ne sont pas là. Oui. Ouais, pourtant, il lui aurait suffi de téléphoner. Là, je suis d'accord, mais pour une raison que j'ignore, le maigre Dubreuil ne prévient pas la police de son arrivée. On pourrait supposer qu'il avait des rendez-vous qu'il tenait à garder secret. C'est ce que je me suis dit aussi. Et plus tard, on a affirmé que le soir même, le maigre Dubreuil devait rencontrer un important personnage très lié aux affaires africaines. Qui exactement? Vous devez bien avoir une idée. Hein. Certes, Mais son nom importe peu. Sachez simplement que cet homme n'ignorait rien des activités de la main rouge. Donc il se trouvait dans le camp opposé. Il a pu jouer un rôle dans le guet-apens qui va être tendu à Le Maigre du Breuil, surtout si, d'après ce que je vous ai compris, rares étaient les gens qui étaient au courant du voyage surprise de l'industriel. C'est une possibilité qu'il ne faut pas exclure, mais je continue. Le Maigre du Breuil se rend à son journal, puis il gagne son appartement dans l'immeuble Liberté. Là, il compte se reposer quelques heures avant ce rendez-vous nocturne. Il est seul ? Non. Deux hommes sont avec lui, son chauffeur et un ami, un modéliste de chez Christian Dior, je crois. Mais dès ce moment-là, les tueurs sont en faction. Ou devant l'immeuble ? À proximité. Ils sont répartis dans deux tractions avant. Une voiture où se trouvent les vrais exécuteurs, et l'autre qui doit assurer la protection du commando. Il y avait aussi un type à moto, chargé de surveiller l'entrée de l'immeuble. Une organisation parfaite. Je vous l'ai dit, les hommes de la main rouge n'étaient pas des enfants de cœur. Alors ces hommes attendent, ils savent que le Maigre du Breuil va ressortir, ce qui renforce votre hypothèse. Oui, l'auto de l'industriel, une Studebaker, est garée devant l'immeuble. Derrière, à une vingtaine de mètres, la première traction avant. La seconde, celle des tueurs, est stationnée un peu plus loin. Et notez bien que la rue est en pente. Pourquoi c'est important, ça ? Tout à fait. Parce que lorsque le Maigre du Breuil va se diriger vers sa propre auto, il suffira au chauffeur de la traction avant, des exécuteurs, de desserrer le frein à main. Et le véhicule arrivera sans bruit à la hauteur de la Studebaker. C'est bien imaginé. Et c'est vraiment ce qui se passe ? Oui. Soudain, l'homme à moto fait un signe, et le Maigre du Breuil, accompagné de son ami modéliste, apparaît aussitôt sur le trottoir. Et pas de chauffeur ? Non, le chauffeur est déjà parti. Et pour les tueurs, c'est encore mieux. Attends, pourquoi ? C'est mieux ? Le Maigre du Breuil va lui-même prendre le volant. Il sera donc assis à gauche, et donc très près de la traction qui va se glisser à sa hauteur. Oui, ça j'ai compris alors. Dès que l'homme à la moto fait signe, la voiture des tueurs commence à descendre en silence. Le Maigre du Breuil ne remarque rien ? Rien du tout. Il se penche pour ouvrir la portière avant gauche. À ce moment-là, la traction avant arrive. Un canon de pistolet mitrailleur dépasse de la vitre arrière droite. Une rafale. Le Maigre du Breuil s'écroule tandis que le chauffeur de la traction embrayée démarre aussitôt. Mmh. Et il est mort immédiatement ? Presque, oui. Le tueur ne lui avait laissé aucune chance. C'était un professionnel. Un professionnel ? Oui, c'était un policier parfaitement entraîné. Ici, il me faut faire une nouvelle parenthèse. Un livre intitulé « La main rouge » est paru en 1997 aux éditions du Rocher. Écrit par un certain Antoine Mélero, il décrit dans le moindre détail l'attentat contre Jacques le Maigre du Breuil. Or, Antoine Mélero, ancien policier au Maroc, a été longtemps soupçonné d'avoir été l'un des tueurs de l'industriel. Il a même été inculpé avant de bénéficier d'un non-lieu en 1964. Dans son livre, c'est un dénommé Jean-Pierre, un tueur de la main rouge qui a été l'exécuteur en compagnie d'André, un homme qui répondait au surnom de El Negro. Le chauffeur s'appelait François et ce Jean-Pierre était un policier chargé justement de la lutte antiterroriste. Curieux, n'est-ce pas ? Même si Mélero a été innocenté, il ne fait nul doute qu'il disposait d'informations très précises sur cette exécution. D'après lui, ce Jean-Pierre, qui était le tueur le plus important de la main rouge, recevait ses ordres d'un certain capitaine Fillette, lui-même sous les ordres du commando. L'opération a commencé, je le cite. Le 9 juin 1955, alors qu'apparemment les esprits semblaient s'être calmés, le capitaine Fillette convoquait Jean-Pierre. Il ne laissa même pas le temps à son interlocuteur de s'asseoir et annonça « Feu vert pour le Maigre du Breuil ». Il doit prendre l'avion à Paris le samedi 11 juin et atterrir à Casablanca, l'aérodrome du camp Caz, à 11h45 précise. Il voyagera incognito. Ces renseignements, on va le voir, étaient d'une rare précision. Ils venaient de haut, de très haut, c'est-à-dire de Paris. Quels ont été les conséquences de l'assassinat de Jacques le Maigre du Breuil? L'émotion a été grande, comme vous pouvez l'imaginer. Et les hommages se sont multipliés, mais c'est bien tout. Et l'enquête? Bâclée. Parce qu'on ne voulait pas la voir aboutir. Naturellement, et que les tueurs parmi lesquels il y avait des policiers étaient parfaitement protégés. Pourtant, le grand Vibo est revenu au Maroc. Je sens de l'ironie là-dessous. Oui, parce que son enquête n'a duré que 3 jours. Donc sans résultat? Pratiquement pas. Dans son rapport au président du conseil, il a simplement émis l'hypothèse que l'assassinat avait été perpétré par des contre-terroristes, sans doute des gangsters, avec la participation de policiers. Mais la relation entre les policiers et les contre-terroristes, depuis la publication de la note de l'inspecteur Forestier dans Maroc Presse, c'était de notoriété publique, non ? Vous avez raison. Après Vibo, deux super policiers sont venus au Maroc. Qu'est-ce que c'est, des super policiers ? Des contrôleurs généraux. On leur a bien sûr mis des bâtons dans les roues. Qui ? Ben, les autorités locales. Mais ces deux policiers se sont vengés à leur manière en écrivant que la police locale avait mené l'enquête comme si c'était agi d'un simple accident de la voie publique. Je vous assure qu'ils n'avaient nullement tort. Mmh. Donc le mystère demeure. En grande partie, oui. Encore que j'ai une petite idée derrière la tête. Ah, ça, allez-y, je vous écoute. Un petit peu de patience. En 1957, donc 2 ans après la mort de Lemaigre Dubreuil, un truand est arrêté en flagrant délit de braquage. Et soudain, ce type, sans qu'on lui demande rien, s'accuse d'avoir participé à l'attentat contre l'industriel. Et dans la foulée, il dénonce ses complices, un policier et un autre gangster. Bah, c'est des aveux qui devraient permettre de relancer l'enquête. Hein. Oui, tout ce petit monde est arrêté, mais les deux types nient. Et bientôt, ils sont remis en liberté provisoire. Ils sont protégés, à votre avis ? Ça me semble clair. Et pourtant, ils sont inculpés d'assassinat. D'habitude, vous connaissez la justice aussi bien que moi. Un type soupçonné d'assassinat bénéficie rarement d'une mesure de liberté provisoire. Mais est-ce que l'instruction continue quand même ? Coup-ci, coup-ça. Les magistrats ne font pas de zèle, bien au contraire. Et finalement, comme prévu, tous les inculpés sont blanchis par un non-lieu en 1964. 9 ans après la mort de Lemaigre Dubreuil et 7 ans après leur première arrestation. Un record, en l'occurrence. Ouais. Et ce non-lieu, ça signifie qu'il n'y a plus d'affaire Lemaigre Dubreuil. Hein. C'est juste. Mais après tout, ces individus étaient peut-être réellement innocents. C'est possible. Ils avaient au moins été en contact avec les vrais assassins, ça c'est sûr. Et puis même s'ils avaient été coupables, ce n'était que des lampistes, enfin tout juste des exécutants. Les vrais chefs, c'étaient les dirigeants de la Main Rouge, et aussi quelques hommes politiques qui avaient intérêt à voir disparaître au plus vite Lemaigre Dubreuil. Nous y voilà enfin. Ce qui a d'abord attiré mon attention, voyez-vous, c'est que Lemaigre Dubreuil, à peine mort, son appartement et sa maison ont été fouillés. On y cherchait donc quelque chose. Tout à fait. Ouais. Et on a trouvé ? Je le crois, oui. Car le chauffeur a déclaré plus tard que rien n'avait été volé, à l'exception d'une serviette dont l'industriel ne se séparait jamais. Ce qu'on cherchait se trouvait donc dans cette précieuse serviette. Et qu'est-ce que c'était à votre avis ? Un document. Une lettre très compromettante pour un personnage en vue qui allait bientôt jouer un rôle éminent dans notre pays. Vous ne voulez pas en dire un petit peu plus quand même ? Impossible, non. Mais les amis politiques de cet homme ont décidé de tout faire pour récupérer le document. D'abord en faisant tuer Lemaigre Dubreuil, puis en s'emparant de la serviette de l'industriel. Et vous m'avez dit que c'était la Main Rouge ? La Main Rouge, oui. La Main Rouge qui ne pouvait rien refuser aux amis politiques de ce haut personnage. J'ajoute un dernier détail. Je vous ai dit que le soir de l'assassinat, Lemaigre Dubreuil était accompagné. Oui, par ce modéliste. Alors. Eh bien, cet homme n'a pas survécu longtemps à son ami. On a retrouvé son corps quelques semaines plus tard dans une villa de la Côte d'Azur. Il en savait sans doute trop. Lemaigre Dubreuil avait eu tort de se confier à lui. J'ai cherché à vérifier si les propos de M. X reposaient sur une base sérieuse. J'ai d'abord trouvé dans le livre écrit par l'ancien policier Antoine Mélero ces quelques phrases. Elles n'engagent bien sûr que son auteur, qui met en cause un sénateur dont le courrier acariâtre était bien connu sous la 4e République. Je cite donc Mélero. Bien des années plus tard, son personnage, Jean-Pierre, l'un des tueurs de Lemaigre Dubreuil, interroge son chef, le capitaine Fillette. Que venait faire ce sénateur dans toute cette affaire ? Maintenant, je peux vous le dire, répond le capitaine. Il reprochait à Lemaigre Dubreuil de détenir une lettre compromettante pour le général de Gaulle et le soupçonnait de vouloir s'en servir, de la publier même. Ce serait l'une des nombreuses raisons de son exécution. Une lettre ? Demande le fameux Jean-Pierre. Oui, une lettre du général de Gaulle sollicitant l'honneur de servir le maréchal Pétain. À moins que ce ne soit la réponse de celui-ci rejetant cette candidature avec mépris. Je n'en sais pas plus, ce n'est qu'une hypothèse. Je ne vous cache pas que cette histoire me semble suspecte, sinon farfelue. Un autre auteur, Pierre Klostermann, le célèbre aviateur qui a été plastiqué au Maroc par les contre-terroristes, donne une autre version dans un livre récent, L'histoire vécue, paru chez Flammarion. Ayant rencontré Lemaigre Dubreuil à son appartement de l'immeuble Liberté, j'ai insisté sur les risques qu'il courait. Un garde du corps ou au moins une arme était indispensable. Il m'avait répondu que d'abord on n'était pas à Chicago et qu'ensuite il avait une protection en béton sous la forme d'un document qui irait directement chez le président de la République s'il lui arrivait quelque chose. Je lui dis qu'une feuille de papier était une bien mince cuirasse contre un Colt 45. Il s'est alors levé et m'a tendu la photocopie d'un document incroyable, s'il était authentique. Il s'agissait d'une lettre de juin, adressée au maréchal Pétain, offrant de prendre le commandement de la Légion étrangère en Afrique du Nord et de se mettre aux ordres de Rommel pour battre les Anglais. Ainsi, peut-être, en échange, les Allemands nous rendraient 1 million de prisonniers sur les 2 qu'ils détenaient. Cette dernière thèse me semble aussi curieuse que la première. La vérité est sans doute ailleurs, mais Monsieur X la garde pour lui, Monsieur X, que nous retrouvons samedi prochain.